T'as vérifié avec le casque et tout? Non. Rien à Wow. foutre. Ça marche. Alors on va faire un mix. Et ça tombe vachement bien de faire un mix en début d'année, enfin en début de saison, parce que du coup ça permet de faire une petite sélection. Ça ressemble un peu à des bonnes résolutions. On avait fini la saison avec plus ou moins un module sur les listes et finalement un mix. C'est exactement ça, C'est juste une liste. de manière appliquée, effectivement. Ouais, et puis c'est une liste, c'est pas la liste qu'on met sur le frigo, quoi. C'est une liste qu'on met devant les yeux des gens en disant soit donc ça c'est ce que tu devrais écouter, soit ça c'est ce que je suis en train d'écouter et c'est moi le roi du monde. Enfin, moi D'ailleurs, je le vois comme ça en tout cas. souvent on se dit, quand on est en train de. Enfin, dans les quelques occasions qu'on a eu de faire des mix comme ça, dans les soirées. Moi, j'aime bien toujours avoir l'occasion de l'écrire, d'écrire en direct ce qu'on est en train de passer en fait, parce que c'est un peu, c'est un postulat, un mix, c'est presque une espèce de conférence par la pratique, quoi. Autant dire que si vous venez à notre mix et que vous vous mettez à danser, en fait, on va vous mépriser, quoi. Sauf si vous êtes Laetitia Laetitia Sadier. Sadier. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? À quoi tu as Bah pensé? déjà, il faut quand même être plus précis et dire que c'est un mix avant un concert qui a lieu au Grand Luxe, qui est un lieu à Saint-Étienne merveilleux, qui est une salle de cinéma indépendante. Voilà, dans une ancienne usine, enfin un ancien atelier de confection de je ne sais quoi. Je ne sais plus ce qu'on y faisait, mais c'est peut-être une Super. brasserie, non? Enfin bon, c'est une friche industrielle, quoi. Et, donc il faut imaginer des grands volumes, plein de grandes pièces. Et le concert de ce soir, donc, c'est Michel Clou. J'aime bien dire ce nom. Michel Clou, c'était un des musiciens de Diabologum. Et puis, depuis quelques années maintenant, il joue dans Expérience. Voilà. Et dans BAM aussi. Voilà. Et donc, enfin, moi j'ai décidé d'adapter, j'imagine que toi aussi, un petit peu le mix. Pas du tout, en fait. Non, alors moi de manière très inconsciente, c'est-à-dire que j'ai eu le réflexe déjà de tout de suite foncer vers mes vinyles Ouais. et pas spécialement de les chercher dans les CD, mais ça c'était plus une espèce de restriction Formel. physique, voilà, formelle. Et puis je me suis vraiment fait plaisir sur qu'est-ce que j'ai envie de faire entendre, mais effectivement, inconsciemment, c'est à ce type de public-là. Aux gens, y a cette grille de lecture là qui est les gens susceptibles de venir à un concert de Michel Clou, qu'est-ce que j'aurais envie de leur faire entendre? Alors que moi, je suis parti vraiment sur l'idée de qu'est-ce que j'ai envie de dire à Michel Clou. Et parce que je vois déjà comment la soirée va se passer, je ne vais pas parler à Michel Clou en fait de la soirée, je pense. Enfin, ouais, voilà. Et donc, par l'intermédiaire de la musique, lui faire passer des messages et. Enfin, des messages. C'est un peu présomptueux de ma part de dire ça, mais. C'est comme engager une conversation. Oui, voilà, c'est ça. Et. Ma ligne directrice, et ça c'était inconscient au départ, mais j'ai cherché à le développer après, c'était l'engagement naïf. Sais pas si je développe plus. Ouais. Sérieusement? Ah bah ouais. D'accord. En fait, je crois que c'est l'idée est partie de. Bon, c'est un mix, donc j'ai forcément envie de passer du MIA. Par essence déjà, Définition. par définition, voilà, dans un mix qui ne passe pas du MIA, quoi. Donc c'est à la fois hyper facile de faire ça. J'imagine que de plus en plus de gens le font. Mais je vais être assez fier de passer des extraits du dernier album de MIA, qui c'est la première fois que je vois un truc pareil. Enfin, c'est une sorte, ça ressemble à une légende qu'on lirait dans un livre sur la musique, quoi. On attend un album, tout le monde attend un album avec impatience, un truc qui gonfle, qui monte, qui monte. On commence à diffuser des chansons sur internet, des clips qui font sensation, qui sont provoques et tout ça. Le disque sort et ça fait. C'est-à-dire que les gens, en écrivant leur chronique, ils ont tous fait. Voilà, comme ça sur leur papier. Incroyable. Et Du coup, là aussi, par définition, j'ai hyper envie de défendre ce disque. C'est un disque très très étrange, et aussi, rien que pour ça, j'ai envie de le défendre. C'est une sorte de musique industrielle avec de l'autotune dessus. Ça se vérifie sur chaque morceau. C'est la première vraie chanson de l'album, c'est un rythme à base de tronçonneuse, mixé, mais t'as mal aux mains, tellement c'est mixé en avant. Et elle chante avec de l'autotune dessus. Et c'est tout. Voilà. Est-ce que Alan Vega est sur tout cet album ? Non, mais ça respire le Martin Rev, en fait, plus exactement. Ouais. Ah oui, c'est pas Alan Vega, ouais. C'est Martin Rev, pardon. Ouais. Non, non, en fait, il joue pas du tout sur cet album. C'est samplé, en fait, cette histoire de Born Free. Ils ont juste samplé le morceau de Suicide. Oui, mais j'ai vu aussi une apparition télé de Maillet avec Martin Rev du groupe Suicide. Il joue avec elle sur cette fameuse télé. Après, je sais pas s'il joue sur des concerts. C'est pour ça aussi que c'est intéressant M.I.A. dans un mix, parce que c'est quand même quelqu'un qui se ramène chez David Letterman, qui sort le single le plus attendu par les amateurs de rock indépendant de l'année, et elle se ramène avec un vieux type, juste qui rejoue son sample en direct, quoi, mais juste pour dire, par honnêteté intellectuelle, quoi. Dire ok, ce morceau-là, c'est surtout lui, en fait. Et je tiens à ce qu'il soit là, même s'il ressemble à rien. Enfin, en plus, c'est même pas vrai, il ressemble à quelque chose, quoi. Il est incroyable. Mais par honnêteté intellectuelle, je l'invite. Il est là, les caméras vont le filmer, et il y a peut-être des gens qui vont se demander c'est qui ce type. C'est qui ce type derrière les 17 versions de M.I.A. Oui, il y a ça aussi, ouais, effectivement. Born Free, donc ce morceau dont on parle depuis tout à l'heure, est un morceau que je trouve génial, qui est assez fédérateur, mais extrêmement extrême, et il se trouve au milieu d'un disque avec des chansons qui peuvent être franchement inécoutables. Ouais. C'est ce qu'on lui a beaucoup reproché, c'est ça manque de finition, effectivement. C'est un album tout pourri, mais au vrai sens du terme, c'est pourri, quoi. Et donc, du coup, voilà, j'ai envie de passer ça, parce que c'est... Comme un discours, et le côté naïf, c'est parce que les paroles de cet album-là, pour le coup, sont un peu décevantes, je trouve. Elle a pris le risque de beaucoup vieillir en faisant une sorte de name-dropping d'objets high-tech, du genre Twitter, iPod, iPhone, genre truc Google. Et j'ai un petit peu peur pour les années à venir. Et puis, pour le clip de Gavras, je ne sais comment il s'appelle déjà. Romain, il s'appelle. Que je trouve un peu naïf aussi. Dans son discours. Voilà, si vous n'avez pas vu ce clip, c'est la morale de ce clip, c'est si on fait rien, bientôt ça sera les rouquins. Voilà. Et ça fait un peu Maison des Schtroumpfs quand même comme discours, je trouve. Ouais. Voilà, donc l'engagement naïf, émaillé, pour commencer. D'accord, ouais. Et donc un peu un. Discours sur est-ce que c'est est-ce qu'elle a fait exprès de se restreindre, c'est ça, exactement, de faire un disque de son époque. Et c'est je suis toujours très curieux de lire les interviews de M.I.A. Je crois que j'ai lu toutes ses interviews à la sortie du disque. Ça rappellera. Effectivement, la restriction, elle était volontaire. Le truc, c'était, c'est ce qui nous plaît dans le morceau caché, quoi. La restriction, elle est motivée, c'est un symptôme. C'est, je ne peux pas sortir du pays parce que je ne sais pas si je vais pouvoir y re-rentrer. Les États-Unis, parce qu'elle habite aux États-Unis maintenant. Et donc, elle aurait voulu, si je me souviens bien, aller travailler en Angleterre. Mais elle s'est dit, non, je ne peux pas sortir de chez moi. En plus, elle a des soucis pour faire venir sa mère du Sri Lanka aux États-Unis. Sachant que son père était l'un des leaders du soulèvement Tamoul. Tamoul, ouais, voilà, au moment où ça a eu lieu il y a quelques années. Donc elle a décidé d'enregistrer tout chez elle. Donc tous les beats et tous les enregistrements quasiment ont été enregistrés dans sa maison, qui n'est pas un lieu fait pour l'enregistrement, quoi. Ce qui explique ce son. Et en même temps, ce côté brut, pas affiné. En fait, c'est aussi un discours sur la propreté, quoi. Et c'est très beau de faire un truc comme ça aujourd'hui. Justement, enfin, encore plus dans un disque qui, par ailleurs, est ultra de son époque, dans ce que, par rapport à ce que tu dis, quoi, dans les paroles. C'est comme un. Comme si un sculpteur actuel sortait un caillou sur lequel il a tout juste donné quelques coups de burin, mais comme pour rappeler d'où ça vient tout ça, quoi, non? Enfin, il y a un truc qui a l'air comme ça très instinctif, Et quoi. c'est marrant parce que tu définis très bien expérience, du coup, tu as dit une matière brute pas très affinée, et ça je le mettrais plutôt au débit d'expérience. Ça serait au crédit de MIA, cette définition-là, mais un petit peu quelque chose que j'aurais à reprocher, moi. J'espère qu'il n'écoutera pas cette émission avant demain. Bon, cela dit, je pense qu'il pourrait écouter et Ouais, tout à être fait, tout à fait prêt à ouais. ouvrir la discussion. Light wave applied to sleeping eyes, sailing west in thunder. And they wonder why the shit in the fan collides. Hot wire resistance provides discomfort from inside. I got my bags packed. I'm taking a step back. Before the moon, well, where were you? Destiny's late. So I choose to play. And improvise, daylight provides, as I unfold, as I unfold, send data home to the stars. Strawberry fields.

said that time may change me, but I can't trace time. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of Tricky Dick is gonna mother her, but stop so meek, but just a pocket full of hope. Money for dough, money for road. Gonja Sufi, CF MIA. Non, par définition, dans un mix, j'ai envie de passer du Gonja Sufi parce que c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est la liste sous les yeux et dire voilà ce que j'écoute en ce moment et voilà ce que j'aimerais bien que vous écoutiez. Et puis parce que par rapport, je me basais plus sur les gens qui seront au concert. Il y a peut-être des gens qui vont venir essayer de se convaincre parce que. Ce qui revient souvent à propos d'expériences ou de Diabologum, voire même de programmes, c'est bien, mais la voix, je supporte pas, quoi. Et Gonja Sufi, ça s'applique à lui aussi. Mm-hmm. C'est brillamment interprété musicalement, et il a une voix qui peut être vite insupportable. Moi, je suis très client, par contre. Mais voilà, ça peut tomber dans cette catégorie-là. Et puis, de la même manière que MIA, il y a effectivement un peu les mêmes termes dans les débats autour de Gonja Sufi et autour de MIA, qui sont, en gros, hein, le camp de ceux qui y croient à mort et le camp de ceux qui disent « non, c'est un usurpateur » ou « une usurpatrice », en l'occurrence. Et c'est drôle que tu mettes ça sur le truc de la voix, ou du placement de la voix, parce que justement, Michel Clou... En solo, enfin en réalité en duo, puisqu'il tourne avec Michel qui est son batteur, y a eu une remise en question du placement de la voix, vraiment, clairement. C'est-à-dire que ce qu'on connaît de Michel Clou quand on est amateur de Diable Gomme et expérience, c'est un truc au perché, revendicateur, vindicatif. Et Michel Clou solo, dans cette version actuelle, c'est il a un truc, un ton résigné, quoi. Mmh. Volontairement réduit ou baissé, diminué de 2-3 niveaux. En... Mmh. Neutrifié, quoi. Ouais, neutralisé. Mmh. Mmh. Ouais. Je suis pas hyper convaincu que... Alors, c'est peut-être dans l'idée, c'était peut-être son objectif. Dans le résultat, je suis pas hyper convaincu que ça ait marché, quoi, parce que... Il avait déjà fait ça un petit peu. Il y a un morceau sur le Première Expérience où... Entre voisins. Ouais, c'est ça. C'est le morceau sur les voisins où... Mais c'est ça. Michel Clou, solo et probablement l'album à venir, je pense, sera très proche de Entre voisins. Ouais. Quand je disais la voix, c'était pas forcément la matière. C'est aussi le contenu. C'est ce qu'on disait un peu sur M.I.A. aussi. Ça serait la voix qui parle de ces choses-là, en fait. Mm-hmm, mm-hmm. Qui peut agacer. Et Ganja Sufi, il a... une matière difficile, et en plus de ça il est assez avare, c'est-à-dire que lui aussi, matière brute, il est capable de faire tourner une chanson sur une seule phrase. Ce qui le sauve, c'est que j'arrive pas à l'imaginer sans les musiciens qui sont avec lui, qui pour le coup ont fait un travail assez incroyable de prise de son, de production et d'idées géniales. Ça fait partie de ces artistes-là qui ont un entourage indispensable, j'imagine. Après, pour la question de l'usurpation, je me place vachement au-dessus de ça, même pour M.I.A. À la limite, qu'il soit prof de yoga, je sais plus où, ouais. Ou pas. Alors, l'usurpation, je disais ça surtout parce que j'ai entendu des témoignages de gens à la sortie d'un concert, ouais, de Ganja Sufi, et alors c'était terrible, quoi. Alors, ça devait être un concert dans un gros festival, hein. Ça devait être à Belfort ou je ne sais où, donc... forcément, concert en plein air, les conditions sont pas forcément les meilleures, mais en même temps, ce que tu es en train de dire, c'est pas antinomique avec ça. Mmh. C'est un disque, certes, de chansons avec du contenu, mais c'est un disque de... Bah, c'est un disque, en fait. Ouais, un disque de disque. Ouais. Que ce soit nul en concert, franchement, ça me rassure presque. Je me suis dit, en écoutant ce reportage, ça le rassurerait probablement Flavien de savoir ça. Ouais. Alors, on va faire un parallèle hyper osé, mais par exemple... je suis hyper content de savoir que Broadcast est hyper fan de Ganja Sufi, et vice-versa. Et le dernier concert de Broadcast qu'on a vu était pas très bien. C'était une horreur, ouais. Voilà, donc, mais c'était pas de la faute de Broadcast. Non, ouais. Voilà. Mm-hmm. I keep singing them sad songs. Sad songs is all I know. I keep singing them sad songs, all I know has a sweet melody tonight. Anybody can sing it in your time. What do your heart put you in a groove? And when you sing this song, it'll make your whole body move. Your turn. I'll turn. Your turn now. All my life I've been singing them sad songs, trying to get my message to you, but this the only song. Your turn now. It's a lovely song, y'all. Sweet music, honey. It's just a line, y'all. It tells a story. You got to get the message. A strong message, honey. A lovely line, baby. I'm a wordy line. Watch me. Me down to my door. Oh, why light? everything.